Bien que Cheikh Al-Albani rahimahoullah Nasiruddin, yani le secoureur du din. Mohammed, en français, ça ferait le secoureur du din. Bien que Cheikh Al-Albani rahimahoullah, yani sans khilaf, yani c'est quelqu'un qui a vraiment secouru la sunnah. Comme on a pu voir dans les éloges des ulama contemporains de son époque. Mais reste à savoir, il n'y a ni que l'appellation par des noms ou des surnoms tels que Muhyiddin, Nasiruddin, Shamsuddin, Shihabuddin, Izzuddin, et là, il y a ni les noms qui sont annexés au din, Hakada, din, dans lequel il comprend une tazkiya, une attestation d'honorabilité, a été critiquée par les savants de cette communauté. Le fait de s'appeler Nuruddin, Izzuddin, et là, c'est une chose qui a été critiquée. يعني par les savants de cette communauté, Cheikh Yahya, hafidhahullah, il nous dit, les laqabs, qui sont Nasruddin, Majduddin, Azdin, Nasruddin, et l'akhirihi, sont des appellations que Cheikh l'Islam Taymiyyat rahimahou ta'ala a critiquées. Cela car, ces appellations-là, elles n'ont jamais été, elles n'ont jamais eu, comment ça s'appelle, d'existence, dans le siècle lumière. Al-Qurun al-Mufaddala. Ni à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans celle des compagnons, et ni dans celle, de leurs successeurs. Radiallahu anhum ajma'in. Et il dit kadhalika que cette appellation, qu'elle soit employée comme prénom ou comme surnom, elle comprend une tazkiya. Elle comprend une tazkiya. Et c'est une chose qui n'a pas le d'être. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme si'ati, fala tuzakku anfusakum. Cheikh Bakr Bouzé, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans le Manahi al-Adhiyya, page 92, quant à l'appellation, des Muhyiddin et l'Akhiri, son jugement se résume en trois points. Le premier point, c'est que cette appellation, ces appellations-là, comme on a pu le voir précédemment, c'est une bid'a. Une chose qui a été inventée, qui n'avait pas lieu dans les siècles de lumière. Et il nous dit que cette chose-là, ces appellations-là, elles ont été importées par les non-arabes. Et il dit le deuxième point, c'est que, qui montre que ces choses-là sont critiquables, le fait de s'appeler comme ça, c'est que ces appellations-là, awalan, tamam, elles sont interdites, elles n'ont pas lieu d'être employées pour les personnes qui sont, pour les mécréants. Et ni les innovateurs, et ni les personnes, perverties, désobéissants et les plaisantins. Ces personnes-là, les savants sont unanimes, comme on peut le comprendre dans l'apport de Cheikh Bakr Abou Zayd, qu'il est interdit que ces personnes-là, qu'elles soient mécréantes, innovateurs, muqtadir, fasir, ou madin, celui qui plaisante beaucoup, ils ne doivent pas être appelés par ces genres d'appellations. Muhyiddin et l'akhirihi. Pourquoi? Parce que ça ne leur va pas, ça ne leur convient pas. Après, il dit troisième fois, quant à l'appellation, par ces noms aux personnes autres que les mécréants et les moubtadiers, les savants, ils ont divergé sur trois, il y en a trois avis. Certains d'entre eux, ils ont dit c'est licite. Celui qui est taqi, la personne pieuse, certains des savants, ils voient que c'est licite qu'il s'appelle comme ça, Muhyiddin. D'autres, ils voient que c'est détestable. Et le troisième avis, c'est ceux qui voient que c'est carrément interdit. Il y en a celui qui s'appelle comme ça, ou se surnomme comme ça, il y en a, c'est un péché qu'il a commis. Et il nous dit, quant à la majorité des savants, ils ont penché plus vers la vie que s'appeler de cette manière-là, il y en a, c'était makruh, détestable. Il y en a, qu'il est vraiment préférable aux personnes qui s'appellent comme ça de délaisser ces appellations. Lakin, alladhi yadhar, wallahu alam, il y en a l'avis qui me semble, à moi, il y en a le plus correct, et que ces appellations sont interdites. Pourquoi? Parce que premièrement, elles contredisent les versets explicites du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et il nous dit, donc, ne vantez pas par vous-même vos puretés, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît les personnes qui sont pieuses. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, on nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ. Vois-tu ceux qui vantent la pureté de leur personne? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il s'étonne de ce comportement. Il y en a de ceux qui vantent leur personne. Il dit, Al-Mufassirun sont tous unanimes que les personnes qui sont visées dans ce verset-là, c'est les Yahoud. Mais ce verset-là, il n'est pas spécifique aux Yahoud. Il englobe aussi toute personne vantant la pureté de leur personne. Que ce soit Yanni, à juste titre, ou bien dans le faux. Tamam, ça englobe ces personnes-là. Et juifs, et tous ceux qui vantent leur personne. Ce verset-là. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Tamam. Il dit, kadhalika, ce verset-là, il englobe toutes les appellations ou les surnoms comportant une tazkiya. Yani, mithlu Muhyiddin wa Majduddin,

aux personnes nous ayant précédées parmi l'Ahl al-Kitab, ainsi qu'à vous, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il enjoint la piété, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'enjoint. Et il enjoint Kavalika, il y en a l'affiliation, il y en a pour tout le monde, au minhaj al-Salafi, et de mettre en pratique le Qur'an et la Sunnah, de rester des frères, yani, de préserver la fraternité, et d'observer, yani, ad-da'wa ila Allah azza wa jal, yani, de ne pas avoir de mkitab, d'interruption dans la da'wa ila Allah azza wa jal, et la demande de Kadalika qu'il soit enterré, yani, dans les lieux les plus proches, yani, qu'il se trouvera, yani, au moment de sa mort. Et tout cela a été fait. Kadalika, il a enjoint que ça soit fait le plus rapidement possible, et que les personnes assistant à son décès ou à son enterrement observe l'éthique, les mœurs qui doivent être observées dans les lieux de, comment s'appelle, dans les janazes. Et après sa mort, comme on a pu l'évoquer, il a été prouvé avant sa mort et après sa mort. Après sa mort, il a été prouvé par des langues tendues qu'ils ont évoqué des choses injustement sur cet imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. De nombreuses choses ont été évoquées sur lui. Certains d'eux ont dit que c'était un mutasahil fil ahkam. Il avait du laxisme. Il y en a dans le jugement des hadiths. D'autres ont dit encore plus grand que ça. C'est un murji. Quelqu'un qui est sorti de la sunnah. Et d'autres choses. C'est quelqu'un qui n'a pas de fiqh. Il connaît le hadith, mais il n'a pas de fiqh. Il n'a pas de compréhension des moutons. Alors que Cheikh Al-Uthaymin, il a bien témoigné que c'était quelqu'un que tu pouvais toi-même témoigner à travers ses livres, ses ouvrages, qu'il avait une grande science, que ce soit dans la chaîne des transmissions ou dans les textes. Mais ça ne l'aura pas suivi pour quand même dénigrer cet immense imam. Mais quoi qu'il en soit, ces accusations qui ont été portées à l'imam Al-Bani, le discrédit qui lui a été jeté, revient sur ces personnes-là. Car comme l'a dit l'imam Abu Hatim Ar-Razi, min alamat ahli al-bida al-waqi'ati fi ahli al-athar. Parmi ou dénigrer les gens du suivi, c'est un signe prouvant. Il le suivi de la passion de la personne qui dénigre. C'est un mal qui leur revient à eux. Qala ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, luhum al-ulama masmouma, wa hadhullahu astari mutanakisihim, ma'louma, faman ibtalahum bil-thalb, ibtalahum Allah subhanahu wa ta'ala bil-adab. Cet imam nous dit, la chair des savants est empoisonnée. Il fait allusion au verset de surat al-hujurat. قال الله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite manger la chair morte de son frère? Forcément, vous y trouverez de la répugnance. Il en est même pour la calomnie, al-riba. Dans ce verset-là, il est fait comprendre que riba, la calomnie, elle est semblable à la chair morte qui a été, comment s'appelle, dévorée. Et celle des savants, elle est empoisonnée. Donc ceux qui s'adonnent à dénigrer les savants injustement, sans preuve, tamam, ils ne font que, c'est comme si jamais ils étaient en train de manger de la chair morte, en plus de ça, empoisonnée. قال الإمام ابن عساكر لحوم العلماء مسموم. La chair des savants est empoisonnée. Le voile des personnes les dénigrant est vite dévoilé. Ceux qui seront éprouvés à les rabaisser, Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouver en les anéantissant. Et parmi les choses qui ont été évoquées, ils ont dit, Cheikh Al-Albani, les murji. C'est-à-dire, les murji, c'est ceux qui disent que les œuvres sont une condition accomplissant la foi et non la validant. Tamam. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à la croyance des gens de la sunnah. Tamam. Al-Imam Al-Albani, dans une des kalimas, dans une des paroles qu'il a eues, qui a été enregistrée, et il a dit, il y a la même parole que les murji. On est avec ces personnes-là qu'ils ont critiquées, sur le fait de dire que la parole qu'il a dit, cet imam, c'est une parole qui est critiquable. Car elle est contraire à la croyance des gens de la sunna. Car les gens de la sunna ont pour définition d'un imam qu'il est, at-tasdiq bil-lisan, wal-iqrar bil-qalb, wal-amal juz'un min al-iman. Al-amal, il fait partie de la foi. Et il n'est pas une condition accomplissant la foi. Cette condition, qui valide la foi. Celui qui la délaisse, sa foi ne sera pas acceptée, elle sera invalide. Tamam. Mais est-ce que pour cela, il nous est droit de dire de l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, que c'est un murji? Non. Parce que comme l'ont évoqué les ulama du jahl wa ta'dil, ce n'est pas toute personne qui tombe dans une bid'a, qui prononce une bid'a, qui est forcément un mubtadi'. Tamam. Parce qu'il y a des choses qui empêchent de juger de cette personne-là qu'il est mubtadi'. Wa min al-mawani'